Stephen King aime les infirmières, Stephen King aime les cochons, Stephen King a écrit Misery et Rob Reiner l'a adapté. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock, je suis avec Chris, salut. Salut. Comment vas-tu? Bah, très très bien, et toi? Ouais, ça va. Donc aujourd'hui nous allons parler de Misery, un roman qui est sorti en 87 et son adaptation en 90. Bon là pour le coup il y a plus de trucs à spoiler que lors du dernier épisode, donc comme d'hab on va spoiler le livre comme le film. Oui. Voilà, donc si vous ne voulez rien savoir, allez les lire, allez regarder tout ça et revenez nous écouter ensuite. Voilà. Et je propose qu'on y aille tout de suite. Eh ben allons-y. C'est parti. Donc, Misery nous raconte l'histoire de Paul Sheldon, un auteur qui s'est principalement fait connaître avec la série des Misery, des romans d'aventure à l'eau de rose slash érotique dans un contexte médiéval. Sauf que lui, il déteste cette série, il l'a fait juste pour l'argent, et il veut passer à des œuvres qu'il considère comme plus sérieuses. Et un jour, alors qu'il vient de finir un roman dont il est très fier, il a un accident de voiture très grave et il est recueilli par une infirmière qui va le soigner et le séquestrer, en réagissant très très mal quand elle apprend qu'il a tué Misery dans le dernier roman, la mettant en scène. Elle va le forcer à ressusciter Misery. L'idée de Misery vient à Stephen King pendant un rêve, alors qu'il faisait un voyage en avion, et apparemment dans son rêve il a plusieurs détails, dont celui du cochon ou de la truie appelée Misery. Et donc cette idée d'un auteur qui est enfermé avec une infirmière psychopathe qui se prétend comme sa plus grande fan. Il écrit les premiers éléments du roman dans la nuit alors qu'il est en Angleterre, dans un hôtel. On lui a dit que le bureau sur lequel il écrivait, c'était celui qu'avait utilisé Rudyard Kipling à une époque, donc plutôt prestigieux. Il apprendra un peu plus tard que c'est le bureau sur lequel est mort Rudyard Kipling. C'est aussi une forme de prestige, hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Hein. Et une de ses inspirations, ça a aussi été en fait la réaction de certains lecteurs à la sortie des Yeux du Dragon quelques années plus tôt. Donc Misery, c'est 87, il commence à l'écrire en 84 et les Yeux du Dragon justement est sorti en 84. Et il y a pas mal de ses lecteurs, dont sa fille d'ailleurs, qui avait dit non mais je veux pas lire ça, je veux pas lire du roman jeunesse par King, c'est un scandale. Apparemment, de ce qu'il en dit, sa fille a fini par adorer une fois qu'elle s'y est mise, mais voilà. Ce qui est tant mieux, parce que je crois que le livre lui est dédié. Spoiler, tous les gens qui pensaient ça sont bêtes. Oui, parce qu'il est très très bien, les yeux du dragon. Ouais. King pensait au départ qu'il s'agirait d'une longue nouvelle, un peu à la façon des évadés, etc. Et le titre initial, c'était The Annie Wilkes Edition. Dans sa première idée de la fin, en fait, ça devait être très différent parce qu'il pensait qu'il y aurait une ellipse qui sauterait quasiment toute l'écriture du roman par Paul. Et le projet d'Annie, à la base, était de relier l'édition unique avec le cuir de Misery le cochon. mais suite à l'ellipse, en fait, on aurait commencé à voir une description de la maison d'Annie où le cochon aurait toujours été là. Il y aurait une pièce qui aurait été transformée en musée Paul Sheldon, avec au centre l'édition unique donc de ce dernier Misery, relié avec sa peau à lui. Et en fait, cette idée lui a paru peu réalisable une fois que le livre a commencé à prendre de l'ampleur et à devenir un vrai roman, qu'il a commencé à développer le personnage de Paul, à s'attacher à lui, à montrer qu'il avait plus de ressources que prévu. Donc il a abandonné cette fin initiale pour aller vers la fin qui est celle qu'on connaît actuellement. Dans ce roman, King parle aussi pas mal du pouvoir rédempteur de l'écriture, et c'était plus ou moins la première fois que ce thème apparaissait dans son œuvre, alors que ça deviendra quelque chose de très régulier par la suite. Oui, tout à fait. Mais là, on est avant La Part des Ténèbres, Sagdos et compagnie. Ah, c'est l'un de ses premiers protagonistes écrivains. Ouais, Bah, oui, si, j'allais dire c'est son premier. Non, il y a déjà Jack Torrance Ouais. dans Shining. Mais c'est vrai que ça caractérise pas trop Jack au final. C'est ça, alors que lui, il est connu pour ça. Ouais, c'est ça. C'est ce qui en fait son principal trait caractéristique. Puis le héros de Salem était un auteur aussi, je crois. Mais dans les deux cas, c'était plus du décor C'est que ça. réellement une thématique. Stephen King a essayé dans le roman de faire en sorte de nous montrer de temps en temps la réalité du point de vue d'Annie, notamment en lui donnant des assez longs monologues explicatifs sur sa vision du monde, afin de la rendre plus terrifiante. En fait, il voulait pas qu'on voit juste une vieille folle lambda, mais que vraiment on en vienne à la comprendre un peu. Il trouvait que ça faisait un peu plus peur. Et alors ça, j'ai pas trouvé de propos de King le disant, mais c'est possible qu'il l'ait dit. Mais Rob Reiner, dans le commentaire audio du film, dit que Annie Wilkie s'est inspirée d'une vraie infirmière tueuse qui s'appelait Janine Jones, qui a tué beaucoup beaucoup d'enfants dans une maternité, un peu à la façon de Misery. D'Annie, pardon. D'accord. Parce que ouais. J'imagine mal un cochon aller dans une maternité pour... Alors, je sais qu'au Moyen-Âge, il y a eu un procès de cochon qui a été condamné à mort pour avoir tué un enfant. Je sais qu'au Moyen-Âge, ils étaient tous très cons aussi. C'est pas de la... C'est la justice appliquée de manière non spéciste. Oui. Voilà. La justice du peuple, monsieur. Ouais. Les dates d'écriture en fin de roman, c'est de septembre 84 à octobre 86, et ça correspond au gros pic de la consommation de coke de la part de King. C'est en fait écrit en même temps que les Tommy Knockers, et les Tommy Knockers, par contre, ça a commencé en 82 et il le termine en 87, mais donc il est en plein dans cette période-là. Ça sent, hein, l'aspect drogué du personnage est très très important tout oui. au long du roman. Mais contrairement au Tommy Knocker, justement, que King trouve très très mauvais, il aime bien Misery. Et d'ailleurs, il dit que le livre peut être vu comme une métaphore de l'addiction à la cocaïne. Bon, alors déjà, il y a le fait que le personnage, en effet, est addict à ses médicaments. Mais il dit aussi que Annie Wilkes, on peut la voir comme une métaphore de la drogue qui, en même temps, enferme et fait souffrir le personnage, mais en même temps, le soigne et le soulage. Oui. Et c'est un peu la même relation, dit-il. Et il dit « Oui, à l'époque, ma fan numéro 1, c'était la cocaïne. Dans un premier temps, pile quand il commence le roman, en fait, il envisageait que ce soit quelque chose à sortir sous le nom Bachman, mais ça correspond aussi à l'époque où il va sortir La peau sur les os, et donc où le poteau rose est révélé autour du pseudonyme de Richard Bachman, d'où le fait que finalement, c'est sorti comme un Stephen King, comme les autres. D'accord. C'est vrai que ça va être tout à fait sa place... Signé par Bachman. Oui, c'est ça. Une histoire plutôt terre-à-terre et plus proche du thriller que de l'horreur fantastique à la King. Ouais. Le premier tirage est de 900 000 exemplaires. Le livre reste 29 semaines sur la liste des best-sellers du New York Times, dont 7 à la première place. Selon le Publisher Weekly, il est quatrième meilleure vente de romans de 87. Avec les Tommy Knockers à la première place, parce que c'est sorti la même année, et Les Yeux du Dragon à la dixième, j'imagine que c'est l'édition de poche, mais ça me... enfin, à cette époque, c'était vraiment le roi du box-office niveau oui. livre, quand même, c'est fou. Et c'est un livre qui est globalement très bien accueilli par la critique, malgré quelques personnes qui vont dire que c'est King qui se plaint de la célébrité. Et il gagne le prix Bram Stoker du meilleur roman 87, à égalité avec Swan Song de Robert McCammon, que je ne connais pas. Et il est nommé au World Fantasy Award 88 du meilleur roman, et il perd face à Ripley de Ken Grimwood. Et encore aujourd'hui, c'est un roman très très apprécié des amateurs de King. Pour le coup, celui-là, on le retrouve dans quasiment tous les classements des 10 et 20 meilleurs romans de King, et il est très régulièrement dans le top 5. C'est vraiment un roman qui est unanimement acclamé, à peu près. Et donc, je propose qu'on en passe à notre avis, et je vais te laisser commencer. Fort est de constater que, durant cette saison, on a quand même eu la main très chanceuse en ce qui concerne les romans. Parce qu'on a quand même enchaîné, là, depuis quelques épisodes, les romans brillants, et autant dire que c'est le cas avec Misery, encore une fois. C'est un roman brillant pour tout ce qu'il aborde, en tant que questionnement sur soi-même et sociétal. Déjà, tout ce qui est l'addiction à la drogue, on l'a évoqué. Donc, l'addiction à la drogue, la puissance de l'écriture chez King en tant que vraiment acte libérateur. Parce que même s'il est sous la contrainte d'écrire Misery, c'est quand même un truc qui arrive à le libérer un petit peu de l'étreinte de Annie. Mais il y a aussi tout ce passage où, à un moment, malheureusement, Annie lui fait brûler un parchemin qu'il a écrit, et c'est un déchirement pour le personnage. Un manuscrit, parce qu'un parchemin... Ah, oui. Un manuscrit unique, du coup, qu'il n'y a pas, ouais. Y a pas de copie nulle part. Et le déchirement du personnage te fait vraiment comprendre à quel point l'écriture est quelque chose d'important pour lui. D'autant plus que là, c'était son moyen d'enfin tourner la page et d'en finir avec cette série qu'il n'aime pas. Et qui ne le caractérise pas au final. Les personnages sont vraiment bons. Annie est détestable as fuck. Elle est horrible. Vraiment, c'est un démon à apparence humaine. C'est peut-être l'un des antagonistes les plus terrorisants que King ait écrit, je trouve personnellement. C'est genre, c'est un personnage humain, mais pourtant, niveau terreur, tu le mets à la même échelle qu'un Gripsou. Vraiment, un personnage qui est terrorisant. Tu t'imagines bloqué dans une pièce avec elle, jamais de la vie. Je préfère affronter le chat de cimetière que elle. Non, c'est vraiment un très très bon roman, c'est parfaitement écrit, parfaitement orchestré. Ça dit beaucoup donc sur King, sur l'écriture, sur les mécaniques d'écriture. Et surtout, c'est un thriller magnifiquement mené. Je vais te laisser en parler aussi, parce que sinon, on va user toutes les cartouches très rapidement. Je suis d'accord, hein, c'est un excellent roman qui est très bien écrit tout du long. Tu sens le piège se refermer progressivement sur Paul pendant quoi, les 100 premières pages, grosso modo, avant qu'ils doivent commencer à vraiment écrire le nouveau Misery. Dès le début, tu sens la folie d'Annie, mais elle est moindre. Surtout que tu sens qu'il y a des trucs... en fait, tu as des choses qui sont installées et tu sais que ça va péter un moment ou un autre, parce que tu le sais assez tôt qu'il a tué Misery dans son dernier roman. Oui. Mais Annie, elle ne le sait pas parce qu'elle le lit en cours de route, vu qu'elle attend l'édition poche. Donc... tu sens que ça va créer quelque chose à un moment, mais tu sais pas quand est-ce exactement que ça va péter. Tu vois vraiment le piège se refermer, et c'est très bien mené. En effet, Annie, c'est un excellent personnage. Je pense que l'aspect terrifiant, ça vient aussi du fait que c'est un huis clos de 400 pages, au final. Oui. Misery, il se passe entièrement dans la maison d'Annie, et très majoritairement, en fait, dans la chambre de Paul, dans la maison d'Annie, vu que lui peut pas beaucoup bouger. Après, au bout d'un moment, il a un fauteuil roulant qui lui permet de se déplacer un peu quand elle est pas là. Mais à chaque fois qu'il le fait, c'est une grosse prise de risque, donc il a passé la majorité de son temps au lit. Les seuls moments où il voit l'extérieur, c'est quand des personnages interagissent avec Annie à l'extérieur, donc il peut voir par la fenêtre de la chambre. Oui, c'est ça, et lui-même, il est toujours enfermé, en fait. Il reste dans la chambre. Parce que sinon, le roman est entièrement écrit à la première personne. Non, il n'est pas à la première personne. Ah, non, effectivement. Mais il est toujours vu du point de vue de Paul, voilà, effectivement. Du point de vue de Paul. On n'a jamais le point de vue des autres, persos. Si on sort de la pièce, en fait, il y a deux trucs qui nous font sortir de la pièce. C'est soit quand on a des flashbacks, soit quand on est justement dans le roman Misery qu'écrit Paul, ce qui est plutôt bien vu parce qu'effectivement nous aussi on va finir par avoir le côté libérateur de ce roman. Oui. Il est effectivement plein de réflexions sur l'écriture, plein de moments terrifiants, mais aussi plein d'humour. Il y a des trucs qui moi me font rire notamment, et qui est bien exploité à la mise en page, le fait qu'ils doivent rajouter tous ces putains de haine à la main parce que Annie lui achète une machine à écrire. Où le N marche pas en disant « Oh, c'est pas grave !» Alors que si, et puis t'as toutes les lettres qui tombent en rade les unes après les autres. À la fin, ça n'a plus aucun sens. Ouais. Le T n'est plus là, N non plus. C'est NTE, je crois, à la fin. Trois des lettres les plus utiles de l'alphabet, que ce soit en anglais ou en français. Oui, c'est ça. Au bout d'un moment, il en vient même à lui demander « S'il vous plaît, remplacez les N pour moi. » Tellement il n'en peut plus. À la fin, il écrit à la main, parce que c'est plus simple. Enfin, voilà, c'est ça. Donc voilà, très très bien mené, une grande réussite de la part de King, effectivement. Ce qui est marquant, c'est vraiment la folie de Annie qui ne fait que progresser au fur et à mesure du roman. Au début, on comprend qu'il y a des trucs pas nets. Parce qu'il y a des passages où elle va parler, elle va s'énerver un peu, tac, elle va marquer un blanc, elle va rester figée pendant plusieurs longues minutes, comme si son cerveau s'était arrêté, tout simplement. Elle est en train de toquer dans le vide, à regarder un point inexistant. Et hop, elle se remet à parler normalement. Et tout ça, ça ne fait que grandir, cette folie perpétuelle. Bah, dès le début, rien que le fait qu'elle aille pas prévenir l'ambulance, la police, quoi que ce soit. Tu sens vite que c'est pas normal. Et lui, il le sent aussi, le personnage. Ouais. Le personnage, il comprend bien que... Ah. Mais malheureusement, elle lui fait beaucoup de violences psychologiques, parce que c'est aussi un thriller psychologique, Misery, on ne l'a pas encore abordé. Mais il y a beaucoup de... En fait, c'est beaucoup de la torture psychologique il va falloir m'obéir, sinon vous n'aurez pas vos cachets contre la douleur. Oui. C'est aussi ça, du coup, le côté réflexion sur la drogue et sur l'addiction des drogues. Et puis le côté très imprévisible d'Annie, parce que finalement, on ne sait jamais ce qui va l'énerver, ce qui va pouvoir passer. Il y a 2-3 fois où Paul s'énerve plus que de raison et l'insulte comme pas permis et elle s'en fout. Oui. Et il y a d'autres fois où il fait quasiment rien et où ça provoque une réaction en chaîne, par exemple le coup du papier. Oui. À un moment, elle lui ramène donc tout pour qu'il puisse écrire, sauf qu'elle prend une marque de papier qui bave et donc qui n'est pas terrible pour les manuscrits. Il le lui signale et elle pique une crise énorme. Oui. Elle lui frappe sur le genou alors qu'il a le genou en compote, très mal ressoulé. À cause de son accident. D'ailleurs, amusant de voir qu'un de ses gros romans d'accident, encore une fois, c'est avant le sien. Oui, c'est vrai. Mais ouais, il y a un côté imprévisible d'Annie et même Paul, des fois, le reconnaît. Il y a des moments où il y a une logique dans sa folie, avec le coup, notamment quand il reprend Misery. Il voit pas du tout comment la ressusciter dans un premier temps, donc il écrit un début de roman en prenant pas vraiment en compte en fait la fin du précédent et en changeant la manière dont ça s'est terminé. Et Annie va lui faire tout un discours comme quoi c'est de la triche. Et effectivement, dans ces moments-là, elle a pas tout à fait tort. Elle va lui rappeler une séquence qu'elle a vécue jeune quand elle a vu un feuilleton. C'est quelque chose qu'on n'a pas connu en France, nous, mais c'était très populaire aux États-Unis. Il y avait souvent des petits feuilletons courts diffusés avant les films, avant les séances de gros films. Et Annie raconte que très souvent, c'était des épisodes qui se terminaient en cliffhanger pour pousser les gens à retourner au cinéma la semaine suivante, forcément. Et du coup, elle raconte que un jour, c'était un épisode de... C'est Rocketman, je crois, le personnage dont elle parle. Et la situation dans laquelle il est... Et la situation dans laquelle il est en cliffhanger... Disons que oui, les scénaristes ont triché pour le faire ressortir de sa situation l'épisode suivant. Et Annie pète complètement un câble, vraiment. Oui, c'est logique. Mais pas au point de péter un câble à ce point-là, quoi. Oui. Parce qu'elle nous raconte que son frère essaie de la faire taire, qu'il lui met la main sur la bouche, qu'elle le mord jusqu'au sang. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, on sent... Mais d'ailleurs, là où c'est intelligent, c'est que je trouve effectivement que le début que Annie va critiquer de Misery, parce qu'on peut le lire, en fait, King l'écrit et donc on le lit, il est effectivement plutôt naze, en fait. Tu sens que c'est juste les clichés poussés à fond. Voilà. Et les passages suivants qu'on aura du nouveau roman Misery sont mieux, et tu sens surtout effectivement que Paul est de plus en plus dans le truc et le fait dériver vers une veine gothique où lui-même va se prendre au jeu au final. Alors ça reste complètement con et complètement débile au niveau de l'intrigue, mais tu sens qu'il s'amuse avec l'attention et compagnie, voilà. D'autant plus que c'est elle en plus qui l'aiguille sur comment faire revenir Misery. Oui, avec cette histoire de piqûres d'abeilles, d'allergie, ouais. qui ferait passer en fait les gens qui se font piquer pour mort, en fait, aux yeux des autres. C'est elle qui l'aiguille. C'est ça qui est rigolo, parce que la relation Annie et Paul, oui, c'est une relation de protagoniste-antagoniste, mais il y a des petits moments comme ça de beauté, tu sais pas d'où ça sort, et en tant que lecteur, t'en es fortement surpris, mais agréablement surpris. Ouais, c'est... elle est réellement... Et ça, on verra, c'est très bien fait dans le film, elle est réellement passionnée par le livre de Paul. On sent à quel point ça a eu une importance pour elle, quand même. Oui, il y a tout le passage quand elle lit le manuscrit. Ouais. Que lui a écrit, elle trouve ça ultra vulgaire, elle lui dit qu'un écrivain comme lui, normalement, il peut être capable de mieux. Voilà, c'est... Alors d'ailleurs, oui, la vision de la justice d'Annie, où la vulgarité, ça passe pas, par contre, couper les pieds des gens, ça, aucun souci. Ça, y a pas de souci. Quand il faut, il faut. Issam, écoute, y a un moment aussi, elle a besoin de passer la tondeuse. Bon, bah, y a un policier sur le gazon, bah, c'est pas grave, il est capable, ça arrive. Accable au bout d'un moment, puis c'est tout. Après, jusqu'à quel point Annie est méchante, au final, c'est dur à dire, parce que y a des fois, elle l'est clairement, mais il y a plein de fois aussi où elle a l'air de pas se rendre compte. C'est plus de la folie dans, que de la... aussi dans toute la manière dont elle traite sa vache, alors dont on n'entend pas beaucoup parler, parce que Paul la voit jamais directement, mais où elle est très négligente envers la vache, et où on se dit, ouais, c'est la folie qui la pousse à faire ça, il y a vraiment des moments où elle se déconnecte, où elle pense plus à rien, et voilà. Pour moi, c'est vraiment plus de la folie que de la réelle méchanceté à l'état pur. Hein, oui. Pour le coup. C'est, bah, y a plein de trucs, il y a de la parano, il y a plein de trucs qui se mélangent, de la dépression... Voilà. Oui, clairement, il y a quelque chose qui va pas très bien. Il y a un petit trouble mental là-dessous, clairement. Mais c'est d'autant... C'est pour rebondir encore une fois sur ce que tu disais juste avant, c'est ça qui rend le personnage aussi, du coup, imprévisible. Ouais. Et... Il y a aussi cette narration qui la rend imprévisible, le fait que ça ne se passe que dans la chambre, qu'on ne sache pas ce qui se passe en dehors. Et ce que j'aime bien, c'est le fait que Paul... s'imagine des choses sur Annie. Oui. Elle s'imagine, oh, qu'est-ce qu'elle peut faire dans la grange. Il y a un moment, il y a des scènes où il s'échappe de la chambre, où il se balade un petit peu dans la baraque. Et il y a vraiment des moments où, genre, à un moment, il essaye d'appeler les secours par le téléphone, il n'y a pas de tonalité, et c'est lui-même qui s'imagine, ah, peut-être qu'elle a foutu de la colle dans la prise du téléphone. Mais du coup, elle laisse quand même le téléphone pour masquer les apparences au cas où quelqu'un viendrait chez elle. Il s'imagine quelque chose, c'est son esprit de romancier en fait qui carbure à 200% dans ces moments-là. Et c'est ça en fait qui est aussi passionnant, c'est qu'il s'imagine des trucs, et toi en tant que lecteur, tu prends ça pour argent comptant, alors que t'as toujours un petit bout dans ta tête où tu te dis, ben en fait, on sait pas. Oui. Tout simplement. Les seuls trucs de vérité qu'on sait, c'est le moment où il tombe sur le. Annie tient une espèce de journal où elle met des coupures presse. Qui la concerne, et où ça, ben ça, on sait que c'est de la vérité, vu que c'est des coupures presse. J'allais en parler de ce passage, parce qu'il est assez efficace dans le côté terrifiant, parce qu'on se rend compte, en fait, elle garde des coupures presse des endroits où elle est engagée, et de chacune des annonces de décès qui sont liées à elle, et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup trop. Ouais, c'est ça, notamment à la maternité, je crois que ça se chiffre en quelque chose comme plus de 10 gamins... Elle a fait plein de services avant. Mais même avant. Dès qu'elle était jeune, elle avait provoqué l'incendie qui a tué, qui a tué plusieurs gamins dont elle avait la garde en tant que nounou et parce qu'elle ne les aimait pas. Enfin, c'est vraiment un catalogue de plein de meurtres qu'elle a commis toute sa vie. En étant à un moment arrêtée pour un procès, mais où il n'y avait pas assez de preuves contre elle. Ça, on le sait assez tôt aussi d'ailleurs qu'elle était à la barre à Denver. Oui. Parce qu'à un moment, c'est elle qui parle, qui blablate à Donf dans sa folie et elle lâche ses quelques indices. Oui. C'est juste qu'on ne sait pas pourquoi elle y est à ce moment-là. Oui, mais on commence à se douter que ce n'est pas pour quelque chose très bien. Tout comme on sait très rapidement qu'elle était infirmière avant. C'est elle-même qui le dit quand elle s'occupe de Paul. Oui. Elle dit qu'elle était infirmière, qu'elle ne l'est plus, mais elle évoque ça comme une simple retraite. Oui. Forcément, on ne va pas lui dire « Ah bah, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a plein de médicaments parce qu'elle les volait à l'hôpital. Voilà. Forcément. Elle va pas lui dire « Ah bah, j'étais soupçonné d'avoir tué 10 gamins, pour ça je tue plus infirmière. » Oui, d'ailleurs, je pense qu'elle est réellement convaincue de bien soigner Paul et d'être une grande médecin, en fait. C'est pour ça qu'elle est... Attention, elle met du soin quand elle lui tranche. Tu pourrais limite faire un épisode de striptease sur Annie. Annie est infirmière, elle soigne tous les gens de la région. « Oh, bah vous êtes fait manger la jambe par un ours. Allez, un peu de Novril et puis ça ira mieux. » Et j'aime bien aussi le... Parce que ça, c'est quelque chose qui est plutôt absent du film. C'est que, au bout d'un moment, quand même, il y a pas mal de visiteurs qui débarquent chez Annie. Mais on sait pas trop pourquoi. On pense que c'est pour enquêter sur la disparition de Paul. Clairement, à la fin, l'un des flics nous dit « Bah non, en fait, pas du tout. C'est pas vous qu'on cherche, monsieur. En fait, c'était un flic qui avait disparu avant. » Oui, mais c'est celui qui a été tué par Annie, du coup. Oui, mais du coup, c'est pas pour Paul qu'il est là. Ah, lui, non. Tu vois, alors que toi, oui. en tant que lecteur, c'est ce que tu te dis. Mais non, en fait, ça n'a rien à voir. Oui. C'est comme... Ou indirectement, quoi. Indirectement. Ouais. À un moment, il y a des journalistes qui sont par là. Alors, pourquoi ils sont là? À un moment, t'as des journalistes qui débarquent parce qu'il y a quelqu'un qui a disparu dans la zone, et donc les journalistes, ils se souviennent que c'est l'infirmière... Mais je crois que eux, c'est suite à la disparition à la fois de Paul et du policier. Ah, c'est les deux, ouais. C'est les deux disparitions qui causent ça. Qui font que, oui, ils vont voir Annie parce qu'ils ont dû entendre dire par la police qu'elle était dans la liste des suspects. Mmh. Et donc, ils se souviennent de ce qui s'est passé à une époque autour d'elle, et voilà. Mais oui, ça, on le voit pas du tout dans le roman, l'aspect enquête qu'il peut y avoir. Ça, on le voit dans le film. Ouais. On y reviendra à ce moment-là. Mais du coup, on a un moment, un meurtre de sang-froid, plutôt violent, à base de machines à tondre, enfin de tondeuse ouais, à gazon. Tondeuse à gazon, ouais, là, il est bien brutal, celui-là. Ouais, bah celui-là, il est pas dans le film, on comprend pourquoi. Avec Annie qui dit que c'est de la faute de Paul, encore une fois, dans leur violence psychologique. Oui. Ah, c'est beaucoup ça, de toute façon. Oui. C'est vraiment... C'est un roman qui est sorti avant Jesse, oui. Il me semble. Parce oui, on sent du 5 ans avant Jesse. Du coup, on sent les prémices en fait de Jesse pour le côté huis clos enfermé dans une chambre quoi. Ouais. Ouais, mais comme la fin est plus réussie que Jesse, oui, je pense qu'il est au-dessus, tu vois. Oui, clairement. Mais lui, il gère bien les huis clos hein, de toute façon. Oui. Et puis bah là, justement la toute fin, je trouve ça intéressant et on dirait aussi King qui parle de lui-même parce qu'il a un peu eu cette tendance à vouloir être considéré comme un auteur prestigieux, on va dire. Oui, pas un auteur de genre. Ouais. Et je pense que d'une certaine façon, le chemin parcouru par Paul dans Misery, c'est un peu celui que King a lui-même, où il finit par se dire bah, j'écris des romans que je trouve bons, donc tant pis si la critique trouve que c'est du roman de gare. Et voilà. Si ça fait plaisir au lecteur, si ça me fait plaisir à moi, au fond, c'est ça le plus important. Le plus important. Et il y a aussi. Misery est un roman qui se termine bien, mais pas trop. Mmh. Parce qu'il se termine bien, donc du coup, à la fin, il y a quand même affrontement avec Annie, victoire de Paul, alors qu'il part mal quand même. Ouais. Parce que tout le long du roman, on nous fait bien comprendre que Annie, quand même, c'est un buffle. Oui. Qu'elle est forte, que ça se voit que c'est une infirmière et qu'elle était. Qu'elle devait souvent porter les patients pour les mettre sur les brancards ou quoi, parce que. Voilà, c'est pas une. Elle n'est pas montée comme un sandwich SNCF, quoi. Elle est balèze. La baston partait plutôt mal, mais bon, il y arrive quand même. Ce que j'aime bien, c'est qu'il lui fait le même coup qu'elle lui a fait. C'est-à-dire, il crame du coup le manuscrit de Misery, ce qu'elle lui a fait subir au début du roman. Donc pour ça, ça termine bien. Mais du coup, cette histoire-là restera gravée à jamais dans la mémoire de Paul, parce qu'il la voit partout, en fait. Après ça, il a des visions d'elle constamment. On peut dire qu'il finira peut-être par passer à autre chose, mais en tout cas, ça laisse des traces, ça c'est sûr. Oui. À un moment, il la voit surgir de derrière lui, alors qu'il est devant son PC avec une tronçonneuse à la main, tu dis « Ah oui, quand même !» Oui, ça fait pas, ça efface pas tout d'un coup, ça c'est plutôt pas mal. Ne pas avoir une totale happy end, après s'il vient de traverser, ça aurait pas été si crédible que ça. Mais oui, du coup, en plus, vraiment un roman à deux personnages, là, on voit personne d'autre du livre. C'est un des castings les plus réduits de King, je pense. Ah bah, clairement, oui. Effectivement, t'as que deux persos. Parce que même ses relations à Paul, en fait, t'en sais pas grand-chose. Tu sais pas grand-chose de sa vie d'avant, tu sais ses habitudes en tant qu'auteur. Tu sais qu'il a été marié. Oui, c'est tout. Et qu'il a... Je crois que tu sais qu'il a une enfant aussi, une fille. Mais voilà, ça s'arrête là. Tu sais pas quelle est leur relation exacte et compagnie. Encore, il me semble que tu le sais parce que Annie le dit. Parce que Annie aime bien jouer l'encyclopédie. Oui. Elle aime bien faire la page Wikipédia avant l'heure. Ouais. De Paul. Donc voilà, moi j'ai pas grand chose à ajouter, mais en effet, un très grand roman. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Oui, clairement, on peut que conseiller Misery. Hein. Mm. Moi, c'est peut-être, historiquement parlant, c'est peut-être l'un des premiers King que j'ai lu. Ouais. Donc. Je devais avoir quoi? Je devais avoir 13-14 ans. J'ai dû le lire assez tard, moi. Ah ouais? Je crois, ouais. Moi, il me semble que ça fait partie des premiers. Hein. Et puis après, j'ai enchaîné avec ça et d'autres. Oui, ça fait partie des premiers que j'ai lus. D'accord, oui. Donc ça remonte. Ouais. Ça remontait. Du coup, on passe au film. Eh bah, passons au film. Allez lire Misery, c'est bien. Ouais. Allez, c'est parti. We'll be right back. You have a compound fracture of the tibia in both legs, and the fibula in the right leg is fractured too. And as soon as the road's open, I'll take you to a hospital. In the meantime, you've got a lot of recovering to do. There is nothing to worry about. You're gonna be just fine. I'm your number one fan. My name is Annie Wilkes. I think one of my clients, Paul Sheldon, might be in some kind of trouble. You mean Paul Sheldon, the writer? Well, everybody sure likes those misery books. They had it at the store, Paul. They said he checked out last Tuesday. Isn't that a little strange? I guess it was kind of a miracle you finding me. In a way, I was following you. You were following me? Oh, Paul, I've read everything of yours, but the misery novels. You must be a good man, or you could never have created such a wondrous, loving creature as Misery Chastain. Very kind. The presumption must now be that Paul Sheldon is dead. You dirty bird. How could you? Misery Chastain cannot be dead. Misery's spirit is still alive. I don't want her spirit! I want her! And you murdered her! Alors, celui qui va découvrir le roman Misery, c'est Andrew Shenman, qui était le co-fondateur de Castle Rock Productions avec Rob Reiner. Il tombe sur le livre dans un aéroport et il l'adore. Et coup de chance, les droits de ce livre ne sont pas encore achetés, alors qu'il l'était d'habitude très très rapidement pour les romans de King, limite avant la sortie. Mais là, apparemment, sur celui-là, King avait un peu mis un veto pendant un moment déjà, parce que c'était un roman très personnel, et qu'il n'était pas très satisfait de plusieurs adaptations assez récentes de son œuvre, donc il s'est montré un peu prudent. Et quand Andrew Shenman va le contacter, il va accepter, à condition que Rob Reiner, qui avait déjà réalisé Stand By Me, soit impliqué au moins à la production. Oh bah, il aura plus que ça, du coup. Voilà, c'est ça. En fait, c'est en cours d'écriture du scénario, enfin, tandis que William Goldman écrit le scénario, que Reiner va tellement se passionner pour le projet, en plus il y a d'autres réalisateurs qui vont se désister, que Reiner va finir par accepter. Mm-hmm. En fait, à la base, le film avait été proposé, entre autres, au réalisateur George Roy Hill, mais qui refuse en partie à cause de la scène de la jambe coupée qu'il ne voulait pas réaliser. D'accord. Bon, au final, elle ne sera pas coupée dans le film, mais... Oui. C'est un projet. Reiner, il avait déjà réalisé quoi à l'époque? Il avait déjà réalisé Quand Harry rencontre Sally? Ouais. Quand Harry rencontre Sally, c'était son précédent film, justement. D'accord. Qui est quand même, je pense qu'il est quand même le film qui l'a un peu propulsé au grand public. Hein. Alors, j'hésite entre ça et qu'il avait aussi déjà réalisé Princess Bride. Ah, c'est pas plus tard, Princess Bride, je croyais. Non, c'est début. Oui, donc du coup, non, effectivement, c'est plutôt Princess Bride. Il a commencé à le faire connaître. Ouais. Alors c'est un projet d'ailleurs un peu inattendu pour Rob Reiner, parce qu'à l'époque, en fait, il était connu pour deux choses. Déjà, il a eu une carrière d'acteur, Rob Reiner, notamment dans une sitcom qui s'appelle All in the Family, qui est ce qu'il avait fait connaître dans les années 70. Il avait joué pendant des années là-dedans. Et en tant que réalisateur, déjà, il avait eu du mal à devenir réal, et il avait fait comme film Spinal Tap, Stand By Me, donc Princess Bride, Des Hommes d'Honneur... Ouais. Je crois que Des Hommes d'Honneur c'était avant Quand Harry rencontre Sally, et même par la suite, en fait, sa filmographie va assez peu retourner dans le thriller de ce genre là Il est plutôt connu pour des comédies romantiques, oui, pour des films un peu feel good. C'est ça. Il a aussi fait par la suite Sans Plus Attendre, que j'aime beaucoup, avec Morgan Freeman et Jack Nicholson. Je n'ai pas vu celui-là, je crois pas. Il joue deux patients atteints d'un cancer assez grave qui vont décider de réaliser leurs rêves avant de mourir. Rob Reiner, globalement, c'est ses premiers films que j'ai vus. Moi aussi. Et globalement, j'ai jamais été déçu par aucun de ses films. Ouais, pareil, de ce que j'ai vu. Après, il faudrait que je voie ses trucs plus récents, mais j'ai toujours trouvé ça très sympa. Bah oui, Spinal Tap, c'est génial. Princess Bride aussi, dans mon souvenir. Ça fait longtemps. Hein, mais ouais. Mais ouais, pour le coup, c'est vraiment surtout ses premiers films qui sont connus à lui. Hein. Oui. Le début de sa filmo est assez culte. Après, c'est passé un peu plus inaperçu. Et il dira que, justement, il s'est retrouvé dans le personnage de Paul, parce que cette volonté de sortir de sa case et de pas y arriver à cause des gens, c'est ce qu'il a connu, lui, quand il a voulu devenir réalisateur et qu'il était connu comme acteur de trucs romantiques, tu vois. Le scénariste, c'est William Goldman, dont on a déjà parlé, puisqu'il a aussi scénarisé Dreamcatcher et Cœur perdu en Atlantide. et c'était déjà le scénariste de Princess Bride, justement. Ce dernier, sa technique d'écriture, alors il y a deux trucs intéressants, il y a un commentaire audio de lui dans le DVD, c'est assez atypique, mais c'est intéressant. Oui. C'est plutôt rare, commentaire audio de scénariste. Ouais, et apparemment il écrit en pensant à des acteurs morts, parce que ça lui permet d'avoir une voix dans la tête pour poser le perso, mais en même temps ça fait que quand le processus de casting commence vraiment, il n'est pas parasité par, par des différences de choix. Du coup, suite à ça, il a écrit Sixième Sens. Et non. Une des exceptions, on le verra, c'est Annie, pour lequel il a pensé assez vite à Kathy Bates, apparemment. Il essaie aussi de pas dépasser des scénarios de plus d'une centaine de pages, parce qu'il croit plutôt dans les scénarios assez courts. Et pour une adaptation, en fait, il lit plusieurs fois le roman, il prend des notes à chaque fois, et quand il commence à écrire, il voit les pages du roman sur lesquelles il y a le plus de notes, et il se dit que c'est celles-là, il faut absolument qu'il les adapte. Ce qui est une manière de procéder. Et au départ, en fait, il tenait beaucoup à la scène de la jambe coupée, qui deviendra des jambes brisées dans le film. Donc il a un peu mal réagi quand, justement, ça a été remplacé par des jambes brisées par Rob Reiner, mais au final, il trouve que ça marche bien. Voilà, mais c'est le seul conflit dont il fait part à propos du film. Mais, question sérieuse, est-ce que c'est pas pire d'avoir les jambes brisées que d'avoir une jambe tranchée ? Bah, ça dépend comment elles sont brisées et comment tu peux remettre après, j'imagine. Vu comment c'est fait, je sais pas si ça va être réparé un jour. Ah, je pense que tu recasses derrière, et tu ressoudes, je pense que c'est comme ça. Au moins c'est coupé quoi, on n'en parle plus. Ouais, je sais pas, là faudrait demander à des spécialistes là-dessus. Hein. Entre les deux, moi aucune ne me tente, aucune des deux options. Entre les deux, mon cœur balance. Ouais, c'est ça. Pour jouer le rôle de Paul, il y a plein d'acteurs qui sont envisagés avant le choix final. Il y a Robert Redford, Warren Beatty, Harrison Ford, Dustin Hoffman, William Hurt, Richard Dreyfuss. Ah oui, quand même. Voilà, quand même du beau monde. Ah oui. Warren Beatty apparemment a travaillé un temps sur le film et il a un peu été utile d'après Rob Reiner parce qu'il suggérait plein d'options totalement délirantes pour que Paul s'échappe. Et du coup, ça a permis d'isoler le plus possible la maison d'Annie. Mais au final, aucune n'est retenue. Goldman, il dit qu'une des raisons, alors que c'est un personnage qui est présent pendant tout le film, ce qui normalement attire les acteurs, il pense qu'une des raisons, c'est le fait que le personnage est soumis à une femme pendant tout le film. Et lui pense que ça a découragé pas mal d'acteurs. D'accord. Et c'est assez triste, mais ça me paraît même pas impossible, tu vois. Oui, c'est fort possible. Et finalement, le choix se porte sur James Caan, qui était plutôt bien connu à l'époque. Les deux premiers parrains dans lesquels il jouait Sonny Corleone, c'est pas si vieux que ça. Il avait eu le rôle principal de Rollerball, l'original, qui est très bien. Ouais. De Jardin de Pierre, aussi de Coppola. Du Solitaire de Michael Mann. Je l'ai pas vu celui-là. Non, moi non plus. Par la suite, on le verra plutôt dans des rôles secondaires, j'ai l'impression. On peut le voir par exemple dans Bottle Rocket de Wes Anderson ou dans The Yards de James Gray. Et il est décédé très récemment, puisqu'il est décédé le 6 juillet de cette année, donc 2022, pour ceux qui nous écouteront beaucoup plus tard. Donc ouais, un acteur que je connais pas si bien que ça, au final, il y a une énorme filmo et j'ai pas vu tant de trucs que ça, mais tous ceux dans quoi je l'ai vu, il était vraiment bien. Oui, très bon acteur. Donc, comme je disais, c'est William Goldman qui conseille Kathy Bates dans le rôle d'Annie. À l'époque, Kathy Bates, elle n'était pas connue comme actrice. En fait, elle avait quasiment rien fait au cinéma à part des rôles assez secondaires. Elle était surtout une actrice de théâtre, pour le coup déjà bien active au théâtre, par contre. Il y avait une volonté, en fait, de William Goldman et Rob Reiner d'avoir un acteur plutôt connu pour jouer Paul et une actrice inconnue pour jouer Annie, pour reproduire, en fait, la relation célébrité-fan inconnu qu'il y a entre les deux personnages. C'est logique. Donc, elle recevra, pour ce rôle-là, le César et le Golden Globe de la meilleure actrice, ainsi que plusieurs autres prix, mais c'est ceux-là les plus prestigieux, donc ça va quand même bien participer à lancer sa carrière. Et c'est à partir de là qu'elle va commencer à beaucoup tourner au cinéma. Donc dans ses rôles importants, on peut citer Dolores Claiborne, sur lequel on reviendra bien sûr. Quand on tombera dessus. Beignet de tomates vertes, The War at Home, Titanic, etc. Et récemment, elle a été pas mal dans American Horror Story. Elle est dans plusieurs saisons, si ce n'est quasiment toutes les saisons. Paraît-il. mais j'ai vu que les deux premières, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu dans les premières. Bah, c'est peut-être à partir de la 3 qu'elle apparaît, mais je crois qu'elle est tout le temps là à partir d'un certain moment. D'accord. Elle était dans Six Feet Under dans un rôle secondaire, mais elle y était. Et dans The Office aussi. Et récemment, elle est aussi. Elle a été, parce que je crois que c'est arrêté, dans une série appelée The Disjointed sur Netflix, qui a l'air un peu rigolote, c'est une série sur un dispensaire à cannabis. Ça m'a l'air marrant. Ah oui. Voilà. Et apparemment, il a fallu trouver en fait un compromis entre ces deux acteurs, parce que James Caan, c'est un acteur plutôt habitué à jouer à l'instinct, première prise et compagnie, tandis que Kathy Bates, bah, en tant qu'actrice issue du théâtre, elle aime bien beaucoup répéter, donc ils ont dû trouver un équilibre en répétant plus que ce que voulait James Caan, mais moins que ce que voulait Kathy Bates. Le rôle du shérif est interprété par Richard Farnsworth, qui avait déjà joué avec James Caan dans un film appelé Le Souffle de la Tempête de Alan G. Pakula, pour lequel il avait été nommé à l'Oscar du meilleur second rôle. C'est un acteur très très régulier et un cascadeur en début de carrière, aussi dans des westerns notamment. Et bon, sa carrière, je la connais mal, encore une fois, c'est surtout la période bah, de films un peu policiers ou western et compagnie, du cinéma américain qui ne me passionne pas plus que ça en réalité. Par contre, il termine sa carrière sur un film que je n'ai pas vu mais qui me rend curieux, c'est une histoire vraie de Lynch. Ah oui, très bien. Ouais, il joue le rôle principal en fait et il a de nouveau été nommé à l'Oscar. Le mec qui parcourt tous les États-Unis sur sa tondeuse à gazon. Ouais, c'est un des seuls Lynch que j'ai pas vu et il faut vraiment que je le rattrape, il a l'air trop cool. Il est très très bien. Sa femme est donc collègue aussi, est jouée par Frances Sternhagen, qu'on a déjà vu dans The Mist, elle joue l'enseignante. Oui. Et l'agente éditrice de Paul est jouée par Lauren Bacall, donc actrice qu'on connaît surtout en fait pour sa jeunesse dans le Hollywood de l'âge d'or, avec des films comme Le Port de l'Angoisse, Le Grand Sommeil, Les Passagers de la Nuit, Le Crime de l'Orient Express, un peu plus tard, celui de Sidney Lumet. Et elle a aussi pas mal joué au théâtre. Donc voilà, un casting plutôt prestigieux. En même temps, il pouvait se permettre, vu qu'il n'y a pas grand monde à engager pour ce film-là. Au final, les deux qui apparaissent vraiment beaucoup, c'est Paul et Annie, même si le shérif et son adjointe sont un peu mis en avant quand même dans le film. Oui, ah oui, ça oui, il y a plus de personnages que de l'ombre. Oui. Le directeur photo, c'est Barry Sonnenfeld. Alors Barry Sonnenfeld, ça m'a donné l'occasion de voir un peu sa carrière avec des débuts surprenants, puisqu'il a débuté dans le porno, mais j'ai pas trouvé de titre. Ah, ça a pu être rigolo. Ouais. Et il a été directeur photo dans pas mal de trucs, pareil, un peu sérieux. Hein. Il a été directeur photo de plusieurs des premiers films des frères Cohen, donc Blood Simple, Arizona Junior et Miller's Crossing, du film Big avec Tom Hanks, d'un film de Danny DeVito que je ne connais pas qui s'appelle Balance Maman hors du train, mais Danny DeVito, je crois que j'ai vu que Mathilda qu'il a réalisé, mais c'est très très bien Mathilda, donc voilà. Et il avait déjà fait la photo de Quand Harry rencontre Sally pour Rob Reiner. C'est son dernier film en tant que directeur photo, parce que par la suite il va se lancer dans la réalisation avec les deux Family Adams des années 90, les trois Men in Black, Wild Wild West, bon. Ma vie de chat. Déjà les Men in Black, hein, tu vois. Oh, le premier, il est bien. Oui, mais t'as dit les trois. Oui, bon, ok. Et il a réalisé la série récente Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire, que je n'ai pas vu. Je n'ai ni vu, ni la série, ni le film, ni lu. Alors, j'ai vu le film, qui est trop rapide, mais qui est vraiment sympa quand même. Il y a plein de trucs bien. Avec Jim Carrey. Ouais, bah déjà, il y a Jim Carrey, justement, c'est un des trucs bien. Et puis même, il est beau visuellement. Ouais. Et les livres, j'en ai lu une partie, c'est une série que j'aimerais bien me refaire, Les Orphelins Baudelaire, j'ai un très bon souvenir. Ok. En plus, je pense que c'est pas très long. Bref, faudrait que je relise ça. Apparemment, Rob Reiner en parle beaucoup dans le commentaire audio de Barry Sonnenfeld, son apport a été assez important pour trouver les angles de caméra, pour toujours les renouveler, alors que bah, la majeure partie du film se passe quand même dans la chambre. En général, dans le porno, ouais, ça entraîne bien à trouver des angles de caméra. Hein. C'est peut-être ça, dans une chambre. Sur un lit, ouais, c'est possible. Ce qui serait drôle, c'est qu'il ait participé à la parodie porno Misery X. Oh, bon titre. Je vais aller le déposer là, en sortant. Misery est une vraie cochonne. Que j'en sais. En fait, le but, ça a été de réussir à notamment éviter le sentiment de claustrophobie quand il devait pas être là, et effectivement la photographie, il y a plusieurs moments où elle donne un ensemble très lumineux, très aéré, notamment au début. Ça, ça n'a pas été si simple à faire, je pense. La lumière change beaucoup au cours du film, il y a un gros travail autour de ça, entre les scènes trop idylliques, les scènes plutôt réalistes et les scènes tout en ombre pour bien filmer Annie. Il y a beaucoup d'utilisation aussi de légers grands angles, apparemment très légers, et de plans de face d'Annie pour la rendre plus terrifiante. Enfin voilà, pas mal de choses. Et dans les plans qu'apparemment on lui doit, il y a un de ceux que je trouve les plus réussis du film, c'est celui où le shérif et son adjointe sont dans la neige, tu sais, en train de rechercher la voiture de Paul. Et t'as un plan qui commence en vue subjective, comme si une voiture s'approchait d'eux, pour les regarder. Et après, la caméra tourne et on voit que c'est Annie qui se rend à la ville en voiture et qui observe comment avance l'enquête. Oui. Et ce plan-là, je le trouve très réussi. Apparemment, c'est une idée à l'origine de Sonnenfeld. Donc voilà. La musique, elle est de Mark Shaiman, qui aussi n'a pas souvent participé à un genre aussi sombre thriller. En fait, c'était une de ses premières BO pour le cinéma, de toute façon. Il avait fait Quand Harry rencontre Sally avant, et c'est quasiment tout. Il avait commencé sa carrière, en fait, avec Rob Reiner, et ça reste le réalisateur avec qui il a le plus collaboré, puisque à partir de Quand Harry rencontre Sally, je crois qu'il fait absolument tous les Rob Reiner à la musique. D'accord. Il a aussi fait par la suite des films comme Les Deux Familles Adams de Sonnenfeld, Nuit Blanche à Seattle, In and Out de Frank Oz, Le Retour de Mary Poppins et South Park, Bigger, Longer and Uncut. Donc le film. Voilà. Et c'est aussi, en fait ça paraît improbable, mais c'est aussi que c'est un gros compositeur de comédie musicale. Comme compositeur, d'où le fait qu'il se retrouve sur South Park, je pense. Oui. Et il a fait, par exemple, Hairspray, la comédie musicale Attrape-moi si tu peux, ça existe. Ah bon, ça voilà. Existe. Ouais. Et une comédie musicale Charlie et la chocolaterie. Ça fait très nom de porno, ça aussi, Attrape-moi si tu peux. Oui, oh, j'aurais préféré que ça en soit, hein. Je me serais moins fait chier. Il a composé un thème principal qui ressemble en fait un peu à une version déviante d'un thème romantique. Le but, c'était de montrer justement une Annie aimante, mais... Il mente pas comme il faut. Oui. Voilà. C'était le but. Et il a une interview dans le bonus DVD, et elle est assez rigolote, parce qu'il raconte que comme c'était une de ses premières BO dans ce genre-là, il testait plein de trucs sur ses synthés, en accélérant des trucs, en faisant des sons au pif, voilà. Et notamment, il raconte que l'orchestre, par rapport à certains morceaux dissonants, lui demandait « Oh, c'est dodécaphonique !» ou « Oh, je vois que tu as étudié Schoenberg et Berg !» Et lui, il répondait « Non, mais j'ai juste tapé sur des trucs, en fait. » Voilà. C'est comme les étudiants en cinéma qui vont te trouver des références, des inspirations, des raisons philosophiques à des plans. Oui, c'est ça. Alors que s'il faut le réalisateur, bah non, c'est cool en fait. Le budget, il est de 20 millions de dollars. Le film sort le 30 novembre 1990 aux États-Unis et il en rapporte 61 sur le territoire américain, donc c'est déjà... très bon score, rien que sur le territoire américain. J'ai pas les chiffres exacts à l'international, mais je sais qu'il a fait 358 000, en gros, entrées en France. À sa sortie le 13 février 91, ce qui est pas mal pour un film comme ça. Il est nommé plusieurs fois aux Saturn Awards, mais globalement, dans toutes les catégories et dans toutes les cérémonies, c'est Kathy Bates, en fait, qui accumule les nominations et les récompenses. Elle porte vraiment le film sur ses épaules. Ouais. King le liste parmi les 10 adaptations de son œuvre qu'il préfère. Il a actuellement 4,1 étoiles sur Allociné, ce qui le place deuxième entre La Ligne Verte et Carrie, et 91% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui le place deuxième à égalité avec Jesse, Dead Zone et Carrie. Derrière Carrie, pardon. Carrie est premier sur Rotten. Il y a plusieurs autres adaptations de Misery qui existent. Au cinéma, on peut mentionner Julie Ganapati, qui est un film en indien, en langue tamile, de Balu Mahendra, sorti en 2003, que je n'arrive pas à trouver avec sous-titre, ça m'énerve. Parce que sinon, il serait dans le chapeau. Ouais, parce que j'ai vraiment très envie de le voir. Donc, si on a des auditeurs qui ont les sous-titres pour ça, ou d'ailleurs pour la série Ça, en 52 épisodes indiennes, je suis vraiment à la recherche de ça. Le personnage apparaît dans la saison 2, enfin Annie, je veux dire, apparaît dans la saison 2 de Castle Rock, c'est un peu un Annie Wilkes Origins, apparemment. Ouais. Ça, je m'en fous complètement. On y aura droit un jour quand même, ils savent. Ouais. C'est pas encore dans le chapeau, hein. Ce sera un épisode spécial Castle Rock, vu qu'on a 2-3 saisons à se taper. Hein. Bah, c'est pas fini, surtout. Ah, c'est pas fini? Je sais plus. Je sais pas. C'est toujours compliqué avec les séries, hein. Faut suivre l'actualité. Surtout les séries de J.J. Abrams qui vont être finies à la moitié de la première saison. Mais c'est surtout au théâtre, en fait, assez logiquement. Il y a eu pas mal d'adaptations de Misery, je dis assez logiquement, parce que bah oui, c'est une, ça se passe dans une pièce, en fait, et il y a deux personnages, donc c'est du matériel rêvé pour le théâtre. Ah oui. Il y a une pièce écrite par Simon Moore en 92, une comédie musicale néerlandaise de Floris van Rougen en 2014, une autre pièce de théâtre écrite par William Goldman lui-même en 2015, mise en scène par Will Frears avec Laurie Metcalf et Bruce Willis dans les rôles principaux. Je crois que ça a été vite arrêté, notamment à cause de la performance de Bruce Willis, mais si c'est en 2015, à mon avis, il devait déjà pas être en super santé. Donc ceci explique probablement cela. Et une pièce finnoise en 2019, apparemment adaptée du scénario de Goldman, sous le titre Pina. D'accord. Tu oublies la représentation des élèves de CM2 de Saint-Aubin-sur-Orge. Alors, Misery en CM2, moi je pose quelques questions à la maîtresse quand même. Ah bah oui, bah. Et il existe également. Hésiter entre ça et Jessie à leur faire jouer. Et il existe une pièce audio pour la BBC aussi. Donc. Ça serait cool d'avoir accès à des pièces. Des pièces de théâtre. Oh bah à mon avis, il y en a certaines qui doivent se trouver. Hein. Je pense au moins celle avec Bruce Willis, ça doit se trouver. Ouais, quand même, la version audio de la BBC, je sais qu'elle a été enregistrée en CD, donc ça doit se trouver. Après, là, ce sera de l'anglais. Oui, voilà, pur, c'est le problème. Alors que les pièces de théâtre. Ouais, il y a peut-être des sous-titres pour le coup. Ce sera à chercher, effectivement. Ça mériterait qu'on mène l'enquête. Ouais. Donc voilà, et bon, c'est un film que, bah, comme on l'a vu, très très apprécié encore aujourd'hui, dont on parle souvent à Rob Reiner, dont on parle souvent, je pense, à Kathy Bates, parce que ça reste un de ses rôles les plus connus encore maintenant. Et on va pouvoir passer à nos avis. Je t'écoute. Toi, sale bête, comment as-tu osé? Elle ne peut pas mourir. Misery Chastain ne peut pas mourir. Annie, en ce temps-là, en 1871, les femmes mouraient en couche très souvent. Mais c'est son esprit qui importe, et l'esprit de Misery est toujours en vie. Je ne veux pas son esprit! Je la veux, elle! Et c'est toi qui l'as assassinée! Non, Annie. Alors qui? Personne. Elle s'était évaporée. Évaporée? Elle ne s'est pas évaporée! C'est à cause de toi! À cause de toi! À cause de toi! À cause de toi! C'est toi, toi! Tu m'as tué, ma Misery! Annie! Je te croyais bon, Paul. Mais j'ai fait une erreur. Tu n'es qu'une de ces sales bêtes menteuses. Et je crois que je vais devoir prendre quelques distances avec toi. Et il est inutile d'espérer le moindre secours de l'extérieur. Ni des docteurs, ni de ton agent, ni de ta famille. Je n'ai appelé personne. Personne ne sait que tu es ici. Et à ta place, je prierai le bon Dieu qu'il ne m'arrive rien. Parce que si moi je meurs, tu meurs. Misery, c'est également un film apprécié de notre côté. Et en fait, bah, t'as tout dit dans le descriptif, quoi. C'est un film qui a surcartonné grâce à Kathy Bates, parce que déjà elle est extraordinaire dedans. C'est une putain d'actrice et elle le prouvera même encore après Misery. Oui. Grâce à l'ensemble du casting, en fait, grâce à la réalisation globale, à la direction photo, à la BO, vraiment, il y a en fait pas grand chose de raté dans ce film. Les choses qu'il apporte au roman, c'est-à-dire l'enquête policière, est plutôt bienvenue, ouais. Est plutôt sympathique. Alors le shérif a une manière d'enquêter très à lui. Oui, j'ai mon système, et puis il prend un post-it, il le colle sur le mur. Ça, c'est très très drôle. Et puis après, plus tard dans le film, ah, je me souviens d'un truc, il est où? Il cherche le post-it, après il va chercher dans les journaux d'archives là. Ah ah! C'est la phrase qu'elle a prononcée il y a 20 ans. Et c'est un extrait d'un roman de l'auteur. Ça veut dire que tout est lié. Et là, tu fais, non mais what? Le tu te dis, mais où était ce mec pendant Jack l'Éventreur? Il aurait tout résolu en 3 jours. Il est extraordinaire, le personnage du... C'est vrai qu'on dirait un peu un Columbo à la retraite, en fait, qu'on a encore plus rien à foutre quand c'est Columbo. Et sa femme, c'est pire. Sa femme, qui donc est assistante, elle assiste, en fait, dans les enquêtes, c'est pire, elle aussi, elle en a rien à foutre. Ouais, alors elle, c'est vraiment assistante au sens où elle assiste en tant que spectatrice, mais... J'aime bien le passage où... Parce que les deux sont mignons, ils ont une vraie relation, en plus, ultra mignonne, ils sont dans la voiture, là. Et genre, elle commence à lui caresser la cuisse. Ah non! Quand on est au service, là, je suis ton patron. La scène est rigolote. Il y a plein de petites scènes comme ça, un peu rigolotes, dans ce que le film apporte en plus. Parce que le film est très très fidèle au roman. Il y a très peu de choses qu'on ne voit pas. Bah, globalement, le roman Misery, on ne voit pas du tout ce qu'il écrit. Oui. Apparemment, William Goldman avait tenté des trucs dans la première version, mais ça ne marchait pas. Ça ne rendait pas bien. Ouais. Après, c'est difficile de s'imaginer... comment rendre ça bien à l'écran, quoi. Ouais, voilà, c'est à part des cartons textes ou tourner d'autres scènes dans l'univers de Misery, mais ça aurait rallongé le film pour rien. Ouais, c'est pas ça. Grand-chose, quoi. Donc ça, on l'a pas. On n'a pas le meurtre la tondeuse à gazon. Ouais. Bon, on a un meurtre au fusil à pompe, enfin fusil de chasse tiré dans le dos, c'est tout aussi brutal, ça marche quand même. Il y a des événements qui sont resserrés, Paul sort moins souvent, moins de fois dans le film que dans le roman, parce que ça permet de resserrer un peu l'intrigue au niveau temps. Paul est plus combatif dans le film, oui. Parce qu'il se laisse pas aller au cachet et à la drogue. Ça, ça, c'est quelque chose de totalement absent. C'est l'addiction aux drogues qui est totalement absent du film. Ouais, oui, il se soigne beaucoup mieux dans le roman, effectivement, dans le film. Dès le début, les cachets, il les cache sous le matelas, il ne les prend pas. Vraiment, du coup, c'est à se demander... On sent pas la douleur, cet homme-là, ou comment ça se passe? Mais ça, c'est quelque chose de totalement absent. On peut se dire que peut-être il en prend un de temps en temps, mais qu'il arrive à se contrôler, ce qui est aussi le projet du Paul du roman, d'ailleurs, sauf qu'il le fait jamais. Après, on se dit que le roman étant toujours du point de vue de Paul, on est très souvent dans sa tête. Ouais. Et donc, la douleur est décrite, et d'ailleurs, elle est décrite avec des métaphores sur la marée montante. On l'a pas dit, mais il y a pas mal de métaphores comme ça dans le roman qui sont joliment écrites. Qui marchent vraiment bien, Qui marchent très très bien. Et forcément, on peut pas avoir ça dans un film, surtout quand c'est pas un film où on ne suit qu'un personnage pour le coup. Parce que là, la narration est totalement éclatée dans Misery. On suit plusieurs personnages. On va suivre Cathy quand elle est dehors. On va suivre Annie quand elle est dehors. On va suivre le shérif. On suit Paul. Tous les personnages importants de l'intrigue sont suivis. On n'est pas que dans la chambre pour le coup. Donc forcément, c'est plus compliqué de traiter l'addiction à la drogue du personnage principal, ou alors il faut faire un film beaucoup plus long. Bon, après, on est quand même beaucoup dans la chambre, hein. On y reste un énorme. Oui. D'ailleurs, apparemment, c'était une blague sur le tournage avec Rob Reiner qui arrivait tous les matins en disant à James Caan oh, aujourd'hui on tourne tes scènes de lit. Voilà. Et con, celui-là. Et du coup, en termes de réalisation, pour en revenir à Kathy Bates et au fait qu'elle soit. Vraiment mise en avant en tant que qu'antagoniste terrifiant. Ce qui rend bien au cinéma avec Misery, c'est que le personnage principal étant allongé, Annie ne peut être filmée qu'en plan... en contre-plongée. Qu'en contre-plongée. Ce qui rend du coup une menace encore plus menaçante en contre-plongée. Il n'y a même pas besoin d'essayer de faire des plans originaux pour la rendre menaçante. Elle ne peut qu'être menaçante même en filmant avec une simple contre-plongée. Oui. Parce que l'actrice, sachant jouer comme elle, tu flippes à la fois. Mm-hmm. Alors que pourtant, elle a un visage pas du tout terrifiant. C'est-à-dire, c'est ça qui est bon, c'est que l'actrice arrive à te terrifier, mais que quand elle a des moments un peu plus doux, elle a un visage doux. Oui, c'est un de ses gros, une des grosses forces du film et de l'interprétation de Kathy Bates, c'est qu'elle joue toujours totalement premier degré et totalement à fond l'état d'esprit dans lequel est Annie au moment de cette scène-là. Donc quand Annie est super joyeuse, on dirait presque une gamine, c'est même plutôt mignon en fait, quand Paul lui donne l'autorisation de lire le manuscrit par exemple, ou quand elle achète le nouveau Misery. Elle joue vraiment toujours à fond l'émotion, donc il y a des moments... En fait, la folie se construit par la somme de tout et par ce qu'elle va dire elle-même. Il n'y a pas tant de moments que ça où elle va dans l'hystérie. Il y a quelques moments quand elle s'énerve notamment quand elle fait son speech sur Rocketman. Là. Oui. Elle préfère Liberace à Elton John dans Les Pianistes Gays, je suppose. Référence. C'est le premier moment d'énervement, l'histoire de Rocketman. Non, il y a déjà eu, en beaucoup moins fort, mais il y a déjà eu la soupe avant. Ah oui, en moins fort, oui. Ouais. C'est vrai. Donc, en fait, elle joue... c'est la sincérité de son jeu, au final, qui la rend terrifiante. Elle cherche pas vraiment à jouer la folie, elle est là naturellement, cette folie-là. Et du coup, il y a tous ces moments de tension quand Paul s'échappe, parce que du coup, le fait qu'on ne soit pas bloqué avec lui, ça permet de faire du montage. Et de faire du montage de « Annie a terminé, elle sort du magasin, donc ah, on sait qu'elle va revenir. Ah, Annie est sur le chemin. Ah, Annie se gare. Ah, Annie descend de la voiture. Ah, elle monte le perron. » Et du coup, bah, tu stresses en même temps que Paul qui, lui, commence à s'agiter parce que lui, il entend la voiture se rapprocher, Annie qui marche, et voilà. Le montage alterné de cette scène est vraiment très, très réussi, Vraiment, vraiment, ouais. Très efficace. Effectivement, tous les autres éléments fonctionnent. La musique de Shaiman, je la trouve vraiment très bien, avec ses dissonances. Elle n'est pas si présente que ça, mais quand elle est là, elle marche toujours très bien. Il y a quelques morceaux pour les scènes marquantes aussi qui sont utilisés, qui sont des morceaux de Liberace, dont ça je crois que c'est ajouté. Oui. Non, je crois que c'est mentionné dans le livre peut-être, mais c'est dans le film que c'est vraiment mis en avant, le fait qu'elle soit ultra fan de ce pianiste-là. C'est dans le film surtout. Ouais. Et donc il y a 2-3 moments où on a des morceaux classiques dans sa version. L'écriture du roman, du coup, ça rejoint un peu ce qu'aurait fait King s'il était resté sur l'idée de nouvelles courtes, puisqu'elle est globalement sautée. Elle est faite via un montage, qui est vraiment bien filmé d'ailleurs. La succession des plans qui a été faite apparemment en programmant des caméras informatiquement pour que ça reproduise bien toujours le même mouvement, elle fonctionne bien. Donc ouais, ça fait partie des très très bonnes idées de réalisation tout ça. Ça, plus le fait que du coup, vu qu'encore une fois on n'est pas dans la tête de Paul, là il peut pas s'imaginer des trucs. Oui. Donc on nous montre, en fait, il y a des astuces pour montrer que Annie est vraiment folle, mais on te le montrer de manière frontale, vu que là Paul peut rien s'imaginer. Par exemple, du coup, la scène du téléphone de tout à l'heure, on a parlé dans le roman, là le téléphone il est vide, c'est juste une coquille. Paul le soulève, c'est le seul truc dont Rob Reiner dit que dans le film ça sonne un peu gratuit, parce qu'effectivement on n'a pas toute l'explication derrière. Donc, du coup tu la considères comme folle en tant que spectateur. Quoi, ouais. Mais je trouve que ça fonctionne quand même. Oui, voilà. Donc. Parce que ça rejoint quand même le côté on masque les apparences, le téléphone est quand même là. Ouais. C'est juste qu'il a été vidé de son contenu. Et pareil, la scène où il feuillette le journal avec toutes les coupures presse, elle rend tout aussi bien dans le film que dans le roman. Oui. Parce que t'as la musique un peu angoissante derrière, Paul qui feuillette au fur et à mesure, toi qui vois les articles au fur et à mesure devant tes yeux aussi. La scène rend bien également au film. Tu n'as vrai, Paul, c'est très mauvais. Quoi ? Tu dois tout recommencer. C'est indigne de toi. Allez, jette tout. Sauf le passage avec le fossoyeur à qui tu as donné mon nom. Ça, tu peux le garder. J'apprécie beaucoup ton œil critique. Mais ton jugement n'est-il pas hâtif ? Paul, ce n'est pas correct ce que tu as écrit. Pas correct. En effet. Quand je n'étais qu'une gamine à Bakersfield, ce qui me donnait le plus de joie au monde, c'était d'aller aux matinées enfantines du samedi pour voir les films à chapitres. À épisode. Oh, mais ça, je sais comment ça s'appelait. On disait aussi des séries. Je suis pas aussi stupide que tu le crois. Enfin bref, mon héros favori était Rocketman. Je me rappelle d'un chapitre qui s'appelait Sans frein. Les méchants savaient que Rocketman devait conduire sur une route de montagne. Ils lui firent boire du somnifère, sabotèrent ses freins et bloquèrent ses portières. Il reprit ses esprits, essaya de conduire, essaya de sortir, mais la voiture quitta la route avant qu'il ne s'échappe. Elle s'écrasa et brûla. J'en étais épouvantée, toute retournée. Et je t'assure que le samedi suivant, j'y étais une heure avant l'ouverture. On donnait toujours un résumé du chapitre précédent. Donc on a retrouvé Rocketman essayant de sortir, et sa voiture approche du ravin. Et juste avant que sa voiture ne tombe dans le ravin, il ouvre la portière. Tous les gosses se sont mis à applaudir. Mais pas Annie Wilkes, non. De toutes mes forces, je me suis mise à hurler. Non, ce n'est pas de cette façon que ça se terminait. Seriez-vous donc tous amnésiques? Ce ne sont que de sales tricheurs. Vous trouvez ça correct? Il était dans la voiture et c'était trop tard. On voit Misery la truie dans cette version-là. Oui. Ce qui rend ça encore plus absurde, je trouve. Surtout avec Cathy Bates qui met le cochon derrière. Ah oui. C'est l'une des premières scènes du film, en plus. Oui, oui, c'est très tôt dans le film. C'est là où tu commences à dire que vraiment, il y a un truc qui va pas du tout. Ah, même lui, il la regarde, genre... Qu'est-ce qui vient de se passer? Ouais. Extraordinaire. En plus, on l'a pas vu une seule fois. Le film, globalement, ajoute pas mal d'humour, ouais, qui est déjà présent dans le livre, mais là, c'est encore plus marqué, j'ai l'impression, dans le film. Et ça marche bien. Il marche bien. Il nuit jamais à la tension. Hein. Ce qui est un des risques de l'humour, en fait. Oui, voilà, c'est ça. On le voit bien tous les jours avec le MCU. Ah, oh, pardon. Ouais, non, mais ça, effectivement. Et puis le film est bien rythmé, quoi. Ouais. C'est vraiment... C'est une masterclass au niveau du rythme. Vraiment, c'est... Le film défile, tu vois pas tout le temps passer. Il se passe toujours quelque chose, t'as aucun moment d'ennui. Ouais. C'est incroyable. Le combat final marche bien. Ouais. Et pareil, c'est comme dans le roman, tu sens que... Tu sens qu'il s'en joue à pas loin pour que Paul s'en sorte pas, oui, en fait. Que c'est vraiment... Il a le dessus parce qu'en fait, il la surprend. Oui, c'est ça. Et parce qu'il a cramé le manuscrit, est-ce qu'il a plongé dans un état un peu second. Ouais. C'est ça, un peu second, un peu désespéré, quoi. Mm-hmm. Mais à la fin, il gagne parce qu'elle trébuche. Ouais. Elle n'aurait pas trébuché, elle serait pas tombée sur la machine à écrire, bah ouais, il aurait perdu. Clairement. Et c'est ça qui est bon aussi, c'est que tu sens que jusqu'à la fin, rien n'est joué. Un des ajouts du film, c'est aussi que toute cette scène où en fait Paul garde la poudre de ses cachets, donc le somnifère antidouleur. Et il y a une scène où il convainc Annie de faire une sorte de dîner aux chandelles dans l'intention de la droguer. Sauf qu'elle va renverser son verre et donc ça va pas marcher. Ça, c'est un ajout et je trouve qu'elle est bien cette scène. Et encore une fois, ça montre un aspect vraiment mignon d'Annie, oui, parce qu'Annie croit vraiment dans cette scène. Mignon et du coup combatif pour Paul. Ouais, c'est ça. Qui lui veut s'en sortir à tout prix. C'est dans les ajouts, il y a ça, et puis il y a le changement donc de la fin. Alors ça, de ce qu'en dit Rob Reiner, en fait, à la fin, lui déjà, s'il a remplacé la jambe coupée par une jambe brisée, c'est pour justement, à la fin, montrer Paul comme s'en étant remis, oui, sans avoir perdu une jambe, ce qui, selon lui, aurait paru cher payé au public. Mmh. Et la toute fin, dans le livre de King, comme on l'a dit, au final, il le publie, son Misery qu'il a écrit sous la contrainte d'Annie, et donc il se réconcilie avec sa série, tandis que dans le film, il brûle vraiment le manuscrit, ouais, et il passe totalement à autre chose. Mmh. Donc c'est plus un message là de Rob Reiner qui lui justement veut brûler entre guillemets son ancienne carrière et passer à autre chose. Et voilà. Et il y a par contre la même idée de Paul qui voit toujours Annie partout, avec j'aime beaucoup cette fin où une serveuse normale dans un resto lui ressort le « je suis votre fan numéro 1 ». Qui a une carrure un peu similaire à Kathy Bates en plus, ouais, une femme un peu âgée, donc elle doit avoir une quarantaine d'années, un peu forte. Mm. C'est vraiment typiquement le physique d'Annie, quoi. Et quand tu vois cette scène, tu sais qu'elle est morte, mais t'as quand même des petits frissons quand tu la vois arriver, oui, là, c'est ça, avec son couteau, ils sont au restaurant dans cette scène-là, donc elle est en train de pousser le chariot avec les plats. Un petit frisson quand tu vois la scène. Mm. Mmh. Ouais, et puis tu vois le malaise de Paul quand il répond merci. Il y a un truc qui m'est revenu sur le roman là, en évoquant les différences. Dans le roman, Annie est bien plus calculatrice qu'elle ne l'est dans le film. Ça dépend des moments, je trouve. Je trouve que tout ce qui concerne la captivité de Paul, il y a le passage en fait où elle lui fait comprendre qu'en fait elle s'est rendu compte depuis longtemps qu'il se balade dans la maison. Ouais. Bah oui, elle lui dit la technique de coller des fils invisibles, ouais, sur les tiroirs et tout. Et là tu fais ouais, elle est vraiment calculatrice quand même. Ouais. Bah la différence c'est que la technique des fils invisibles, comme le signale Paul, c'est les fils ils peuvent sauter pour rien, tu vois. Oui. Tandis que dans le film, elle se base sur un argument qui est réellement pertinent, qui est celui du bibelot, d'une figurine qui est plus dans le même sens. Ça, oui, en effet, ça peut pas arriver par hasard. C'est un bibelot qui est toujours orienté vers l'est. Ouais. Du coup, lui, en voulant rentrer rapidement dans la chambre, il le fait tomber, il le replace un peu à la zobe. Ouais. Donc, il y a... Dans le film, des fois, elle m'a l'air un tout petit peu plus rationnelle, un tout petit, ouais, peu moins parano, peut-être. C'est ça, en fait. Elle est plus terre à terre. Ouais. Bon, elle reste complètement tarée. Hein, oui, elle reste totalement psychotique. De toute façon. Voilà. Mais un grand film, lui aussi. Ouais. Vraiment, tout comme le roman, quoi. D'ailleurs, à la fin du film, dans mon souvenir, elle a le revolver, elle. Parce qu'elle a l'intention, oui. Elle est prête. Tandis qu'elle l'a pas dans le roman, dans mon souvenir. Parce que dans le... Alors que pourtant, dans le roman aussi, elle sait que la police est de plus en plus proche et que bah, c'est potentiellement bientôt fini, quoi. Oui. Elle le sait. Mais elle est peut-être un peu plus résignée à en finir pour de bon dans le film, oui. Ouais. Pour le coup, pareil, elle est terrifiante dans cette scène où il pleut et où elle vient complètement déprimée. Oui. Ouais, Paul, ça s'inquiète et elle lui dit que c'est juste la pluie qui l'a. Elle a le regard vraiment vide dans cette scène. Juste avant qu'elle lui casse les jambes. Mais même quand elle lui casse les jambes, tu sens qu'elle fait son travail, qu'elle le fait. Parce qu'elle le soulage. Genre. Ouais, elle est pas énervée. C'est bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Ah. Puis l'effet rend bien, quoi. Mm-hmm. On voit la première scène, enfin on voit la première jambe brisée. Ouais. On voit vraiment le pied qui part. Ah, ça dure que quelques secondes. De toute façon, tu sens que. Cathy Bates, tu sens qu'elle a quand même une certaine force, une certaine carrure. Ouais, tu comprends qu'elle puisse, non seulement Paul est dans une situation de handicap, mais dans tous les cas, tu comprends qu'elle puisse dominer assez facilement dans un conflit. Et puis, en plus, il faut expliquer, c'est que elle place une espèce de grosse brique de bois entre les deux jambes, entre les deux chevilles de Paul, si bien qu'en fait, quand elle tape d'un côté, bah, vu que la brique bloque le retour de force de la jambe, bah, paf, forcément, le pied part. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire pour être efficace. Oui, oui. Tu diras ça à tes victimes, Sam. Je pense qu'on a fait le tour. Bah ouais, donc un grand film. Pour le coup, sorti de la scène des jambes, justement, et encore, c'est plutôt sobrement montré. Le film n'est pas gore et pas excessivement difficile. La mort du shérif, en fait, est plus violente que les jambes brisées, visuellement parlant. Et limite le combat de fin aussi, la dernière baston. Mais ça reste un film qui peut être plutôt abordable, je pense. Une veille de Noël en famille. Oui, voilà, c'est ça, c'est le petit film sympa. C'est très bien. Si vous avez des infirmiers et infirmières dans votre famille, surtout. Non, mais oui, si vous avez un peu peur du gore, vous pouvez y aller. Clairement, le film n'en a pas. Ouais. C'est... Les trigger warnings sont surtout là pour les personnes qui sont un peu sensibles à la vraiment à la torture psychologique. Quoi. Ouais, c'est plus ça que ça en fait. C'est vraiment plus de la torture psychologique pendant tout le livre, ouais. Pendant tout le film, pardon. Bah, pendant tout le livre aussi. Oui, aussi. Aussi. Parce que même le livre en lui-même n'est pas gore. Enfin, il y a pas de description horrible. Même le meurtre à la tondeuse à gazon, il est pas décrit de manière gore. Et il se passe que sur une page. Il est vite expédié en fait. Oui, c'est ça. Et puis les moments où c'est sur Paul qu'elle s'acharne, au final, vu que ça se concentre sur sa douleur et qu'ils s'évanouissent ensemble au bout d'un an, pareil, il y a pas une foule de détails. C'est ça. Il y a un moment où, comme souvent chez King, on boit du pipi parce que on a soif. Ouais. Qu'on a que ça sous la main. Mais bon, ça, au bout d'un moment, si vous lisez King, vous commencez à avoir l'habitude. Hein. Oui. Au pire, tester, c'est peut-être bon. Tu diras ça à tes victimes encore une fois. Il va falloir étudier ce phénomène qui revient à chaque roman. Voilà, moi je pense que c'est tout ce qu'on peut dire du film. Oui, pardon. On passe à un extrait. Eh bien, allons-y. Allons-y. Send her back to me, cause everyone can see. Alors, nous allons lire un extrait tiré, on va dire, du milieu du roman, grosso modo. Paul a déjà bien avancé dans l'écriture du nouveau Misery. Il y a un certain status quo qui s'est installé, mais un jour, alors qu'il pleut, Annie a l'air particulièrement déprimée, on va dire. Voilà. Donc, nous lisons donc l'édition du livre de poche, traduit par Friedrich Nietzsche. Non, ça c'est... Ah oui, c'est la citation. C'est la citation. Par William Desmond. On retrouve toujours ce cher Desmond. Oui, à l'époque, toujours, ouais. On traduit de l'anglais. Et on en est du coup à la page 208. Non, c'est traduit du japonais. Il s'était dit pourquoi pas, à l'époque King. Chapitre 15, très exactement, et... Parce que Misery est divisé en trois parties. On va être dans la deuxième partie, la deuxième, la partie Misery. Ouais. C'est ça, c'est ça. La partie Misery. Quand il reprit conscience, il pensa tout d'abord qu'il devait encore rêver. La scène avait quelque chose de surréaliste, comme le soir où elle avait fait rouler le barbecue dans la chambre. Annie était assise au bord de son lit. Elle avait posé un verre d'eau avec deux gélules de Novril sur sa table de nuit. À la main, elle tenait un piège à rat, un Victor. Un rat se trouvait pris dedans. Un gros rat à la fourrure gris-brun moucheté. Le ressort lui avait cassé le dos. Ses pattes postérieures pendaient par-dessus la planchette, agitées de tressaillements irréguliers. Des gouttes de sang perlaient à ses moustaches. Il ne s'agissait pas d'un rêve, mais d'encore un jour de perdu dans l'asile de fous d'Annie Wickles. Son haleine était celle d'un cadavre en décomposition. « Annie ? » fit-il en se redressant, tandis que ses yeux hésitaient encore entre elle et le rat. Dehors, le crépuscule tombait, un crépuscule étrange, bleu, pluvieux. Il donnait l'impression d'un rideau tendu à l'extérieur de la fenêtre. De puissantes rafales de vent secouaient la maison et la faisaient grincer. Si elle n'allait pas bien le matin, son état n'avait fait qu'empirer depuis. Elle allait maintenant très mal. Il se rendit alors compte qu'il la voyait dépouillée de tous ses masques. Telle était la véritable Annie, l'Annie intérieure. La peau de son visage, qui lui donnait la veille encore cette inquiétante impression de solidité compacte, pendait maintenant, inerte, comme de la pâte. Elle avait le regard vide. Elle s'était habillée, mais avait mis sa jupe à l'envers. Il y avait d'autres marques sur sa peau, d'autres éclaboussures d'aliments sur ses vêtements. Il s'en dégageait tellement d'arômes différents lorsqu'elle bougeait qu'il était impossible à Paul de les dénombrer. Presque toute une moche de son cardigan était imprégnée d'une sorte de substance à demi séchée qui exhalait une odeur de sauce à spaghetti. Elle brandit le piège. « Ils viennent dans la cave lorsqu'il pleut !» Le rat, aux reins brisés, couina faiblement et claqua du museau dans le vide. Ses yeux noirs, infiniment plus vivants que ceux de son bourreau, roulaient en tous sens. « Je mets des pièges, c'est nécessaire. J'enfouis le trébuchet de graisse de porc, j'en attrape toujours 8 ou 9. Parfois, j'en trouve d'autres. » Les abonnés absents, elle resta figée ainsi, pendant 3 minutes, cas parfait de catatonie blême, l'œil exorbité. Paul la regarda, puis observa le rat qui clapissait et se débattait. Il se rendit alors compte de son erreur, lorsqu'il avait cru que les choses ne pouvaient être pires. Une erreur grossière, foutrement grossière. Finalement, alors qu'il commençait à se dire qu'elle avait définitivement décroché sans tambour ni trompette, elle abaissa le piège et acheva sa phrase comme si de rien n'était. « Noyée dans les coins, pauvre bête !» Elle abaissa les yeux sur le rat et une larme tomba sur sa fourrure poisseuse. « Pauvre petite bête !» Elle referma l'une de ses mains puissantes autour du rat et de l'autre comprima le ressort. L'animal se débattait frénétiquement, tendant la tête pour essayer de la mordre. Ses couinements menus avaient quelque chose d'effrayant. Paul, de la paume de la main, écrasa la grimace qui lui déformait la bouche. « Comme son cœur bat, comme il se démène pour s'échapper, comme nous le faisons aussi, Paul, comme nous. Nous croyons savoir tant de choses, alors qu'en réalité, nous n'en savons pas davantage qu'un rat pris dans un piège. Un rat avec les reins brisés, qui s'imagine vouloir encore vivre. » La main qui tenait le rat devint un poing. Pas un instant son regard distant ne s'anima de la moindre lueur. Paul aurait voulu détourner les yeux, mais il en était incapable. À l'intérieur de son bras, il sentait les tendons devenir de plus en plus contractés. Un mince filet de sang coulait abruptement de la gueule du rat. Paul entendit ses os se briser, puis les doigts spatulés d'Annie s'enfoncèrent dans le corps de l'animal et y disparurent jusqu'à la première articulation. Du sang jaillit sur le sol, les yeux du rat saillirent et devinrent peu à peu vitreux. Elle jeta le cadavre dans un coin de la chambre et d'un geste indifférent s'essuya la main sur les draps où elle laissa de longues traînées sanglantes. « Il connaît la paix, maintenant. » Elle haussa les épaules et rit. « Je vais aller chercher mon fusil, Paul. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être l'autre monde est-il meilleur que celui-ci? Au fond, pour les rats comme pour les gens, même si la différence n'est pas bien grande. » « Pas tant que je n'ai pas fini, » répondit-il en s'efforçant d'articuler soigneusement chaque mot. Cela lui était difficile, car il avait la bouche aussi pâteuse que si on lui avait fait une double piqûre de novocaïne. Il l'avait déjà vue déprimée, mais rien à voir avec l'état dans lequel elle se trouvait aujourd'hui. Il se demanda si elle avait jamais été aussi mal auparavant. Elle en était au stade où les sujets dépressifs sont capables d'abattre tous les membres de leur famille avant de se tirer une balle dans la tête. Dans cet état de désespoir psychotique, où une femme habille ses enfants de leurs plus beaux vêtements, leur offre des crèmes glacées, les conduit jusqu'au pont le plus proche, en prend un à chaque bras et saute par-dessus le parapet. Les dépressifs se suicident, les psychotiques, balancés dans le berceau empoisonné de leur propre moi, décident de faire une fleur à tous ceux qu'ils ont sous la main, en les emmenant avec eux. « Je n'ai jamais frôlé la mort d'aussi près de toute ma vie, » pensa-t-il. « Parce qu'elle est sérieuse. Cette salope est absolument sérieuse. »« Misery ?» demanda-t-elle, du ton que si c'était la première fois qu'elle entendait prononcer ce nom. Mais il avait cru voir passer un fugitif éclair dans son regard. Enfin, c'était ce qu'il se disait. « Oui, Misery. » Il cherchait désespérément comment continuer. Toutes les approches lui paraissaient piégées. « Je dois reconnaître que le monde est bien peu ragoûtant, la plupart du temps, » reprit-il avant d'ajouter bêtement, « en particulier lorsqu'il pleut. »« Triste buse, arrête de capter. »« Je veux dire, j'ai vraiment eu très, très mal ces dernières semaines. »« Et mal ?» Elle le regarda avec une expression rancunière et méprisante. « Vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir mal. Vous n'en avez pas la moindre idée, Paul. »« Oui, je suppose que vous avez raison, comparé à vous. »« Exactement. Mais je voudrais terminer ce livre. J'ai vraiment envie de savoir comment tout cela finit. » Il garda un instant le silence. Et j'aimerais que vous soyez là pour en profiter aussi. Quel est l'intérêt d'écrire un livre s'il n'y a pas quelqu'un pour le lire? Vous me comprenez? Il gisait là, impuissant, regardant ce terrible visage de pierre, le cœur battant. Annie, vous me comprenez? Oui, elle soupira. Moi aussi j'ai envie de connaître la fin. C'est probablement la seule chose au monde dont j'ai encore envie. D'un geste lent, sans apparemment se rendre compte de ce qu'elle faisait, elle commença à sucer le sang du rat sur ses doigts. Paul serra les mâchoires et s'intima férocement l'ordre de ne pas vomir. Il n'en était pas question, non, il ne fallait pas vomir. C'est comme attendre la fin de l'un de ses feuilletons. Elle regarda soudain autour d'elle, barbouillée du sang comme de rouge à lèvres. « Laissez-moi vous le proposer encore, Paul. Je n'ai qu'à aller chercher le fusil. Je peux mettre un terme à tout ça pour tous les deux. Vous êtes loin d'être stupide, vous savez bien que je ne vous laisserai jamais partir d'ici. Cela fait même un moment que vous le savez, non? Surtout que ton regard ne scie pas. Si jamais tu as l'air d'hésiter... Elle est capable de te tuer sur le champ. Oui, mais tout a une fin, n'est-ce pas, Annie? Et à la fin, on y passe tous. Le fantôme d'un sourire souleva le coin de ses lèvres. Elle lui effleura brièvement le visage d'un geste affectueux. Je suppose que vous avez pensé à vous échapper, comme le rat dans son piège, d'une certaine façon. Vous le pourriez, si nous étions dans l'une de vos histoires, mais ce n'est pas le cas. Je ne peux pas vous laisser partir, mais je pourrais par contre partir avec vous. Et soudain, pendant un bref instant... Il eut envie de répondre « Très bien, Annie, allons-y, mettons la clé sous la porte !» Mais son besoin et sa volonté de vivre, et il lui en restait une bonne dose de l'un comme de l'autre, se réveillèrent et repoussèrent à grands cris cette faiblesse passagère. La faiblesse était ce qu'elle était, la faiblesse et la couardise. Heureusement ou malheureusement, il ne disposait pas des béquilles de la maladie mentale pour s'y appuyer. « Merci, dit-il, mais je veux achever ce que j'ai entrepris. » Elle soupira et se leva. « Je suppose que je devais me douter de votre réponse, car je vois que je vous ai apporté vos gélules alors que je ne me souviens pas les avoir prises. » Elle rit. Hennissement saccadé et dément qui semblait non pas venir de ce visage affaisé, mais être produit par ventriloquisme. « Il va falloir que je parte pendant quelque temps, sinon ce que je veux ou ce que vous voulez n'aura plus d'importance. Je fais des choses. J'ai un endroit où aller quand je me sens comme ça. Un coin dans les collines. Avez-vous jamais lu les histoires de l'oncle Rémus, Paul ?» Il acquiesça. Vous souvenez-vous de celle où frère Lapin parle à frère Renard de son rigoloir? Oui. C'est le nom que j'ai donné à mon coin dans les collines. Mon rigoloir. Vous vous rappelez aussi que je vous ai dit que je revenais de Sidewinter quand je vous ai trouvé? Il acquiesça de nouveau. Eh bien, c'était une blague. J'ai blagué parce que je ne vous connaissais pas bien à l'époque. En réalité, je venais de mon rigoloir. Il y a un écriteau sur la porte avec ça marqué dessus. Rigoloir d'Annie. Voilà ce qui est écrit. Parfois, je ris vraiment quand je vais là-bas, mais la plupart du temps, je pleure. Combien de temps resterez-vous partie, Annie? D'un pas lent et rêveur, elle se dirigeait maintenant vers la porte. Impossible à dire. Vous irez très bien, je vous ai apporté vos gélules. Prenez-en deux toutes les 6 heures, ou 6 toutes les 4 heures, ou prenez-les toutes d'un seul coup. Mais qu'est-ce que je vais manger? Voulut-il lui demander. Il s'en abstint cependant. Il ne tenait pas à ce que son attention revînt sur lui. Absolument pas. Il voulait la voir partir. Être actuellement en sa compagnie, c'était être sous l'aile de l'ange de la mort. Très bien, et maintenant, la même scène dans le film. Voilà ta pilule. Annie? Annie, qu'y a-t-il? La pluie. Il y a des fois où ça me donne le cafard. Quand t'es arrivé au début, je n'aimais en toi que le célèbre écrivain Paul Sheldon. Mais aujourd'hui, je sais que j'aime l'homme tout entier. Je sais bien que tu n'aimes pas. Ne dis pas le contraire. C'est normal, t'es beau, brillant, t'es connu dans le monde entier. Tandis que moi, je n'ai vraiment rien d'une star. J'ignore ce que c'est que de perdre quelqu'un comme toi, quand on est quelqu'un comme moi. Pourquoi voudrais-tu me perdre? Le roman est presque fini. Bientôt, tu seras en état de marcher. Mais un beau matin, tu décideras de partir. Pourquoi voudrais-je partir? Je suis heureux ici. C'est gentil de le dire. Mais je préférerais encore que ce soit vrai. J'ai ce revolver. De temps en temps, je pense à m'en servir. Mieux vaut que j'y aille. Je pourrais mettre des balles dedans. Voilà, donc si on a choisi cette scène, c'est... Bon, parce qu'évidemment, dans ce roman, c'est logique de prendre une scène de confrontation, enfin, de discussion, en tout cas, entre Paul et Annie. Et parce que ça permet de montrer dans le roman comment Paul l'aperçoit, et dans le film, de voir comment Kathy Bates la joue. Oui. Et puis ça permet aussi de voir de l'horreur psychologique de manière un peu plus douce et un peu moins virulente. Oui, parce que là, elle fait finalement pas exprès. Là, elle a vraiment pas tout à fait l'intention de faire du mal à Paul. Oui. Alors même qu'elle confesse qu'elle le laissera jamais partir. Hein. Elle le dit clairement dans le roman. Voilà, c'est ça. Elle dit une fois que le roman est terminé, c'est terminé pour nous deux. Ouais. Elle le lira, puis basta. Et puis, dans le film, j'aime beaucoup vraiment l'interprétation de Kathy Bates à ce moment-là, où elle joue très vide, très désincarnée. Ouais. On sent que plus rien n'a d'importance à ce moment-là. C'est ça. Elle a... elle a un air totalement innocent, tout simplement. Mm. Pas du tout menaçant. Alors que dans le fond, ce qu'elle dit dans le film est quand même aussi terrible. Hein. Oui. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas là-haut, qu'il n'y a pas la lumière sous les étages. Comme on dit. Mais oui, c'est surtout dans le roman où on comprend que la finalité de cette histoire risque de pas plaire à Paul. Et clairement, lui-même le pense très fort, il n'a pas envie d'arriver à cette finalité-là. Oui. Avec tout ce qui concerne le rat dans le livre aussi, qui est un peu qui est bien dégueulasse. Ouais. Et qui pour le coup est totalement absent du film. Je crois pas qu'il y ait du tout de rat dans le film. Pauvre bête. Bah, mis à part Missouri. C'est des choses qui arrivent. Hein. Mis à part Missouri, il n'y a pas beaucoup d'animaux dans le film, j'ai envie de te dire. Oui, c'est pas faux, ouais. C'est tout. C'est marrant parce que du coup, on a un animal dans le film qui n'est pas dans le roman et vice-versa. Oui, même si tu en entends parler dans le roman aussi, du cochon Missouri, tu sais qu'il existe et qu'elle existe. C'est juste qu'on le voit pas. Ouais. Ouais, c'est suite à cette absence que Paul va faire sa plus grosse sortie et qu'il va découvrir tout le passé, notamment. Qui va trouver le livre. En tout cas, dans le livre, dans le film, ça se passe pas tout à fait dans le même ordre. Et c'est quand elle revient qu'elle lui casse ou coupe la jambe, selon la version. Qu'elle lui dit qu'elle s'est rendue compte qu'il a essayé de s'échapper, qu'il est sorti de sa chambre, en tout cas. Ouais. Du coup, on peut imaginer que l'état dépressif dans lequel elle est, c'est à cause de ça. Oui. En fait, elle s'en est rendue compte bien avant que du coup, ça la met dans cet état-là. Même si elle a l'air de toute façon, avoir des états dépressifs sans trop de raison, vu qu'elle dit elle-même qu'elle y était avant de le trouver. Hein. Oui. Disons qu'elle n'est pas bien, et en plus, il y a un petit trouble bipolaire. Ouais, il y a beaucoup de trucs qui s'accumulent, qui n'ont jamais été traités. Voilà. Ça amène à quelques petits problèmes. Ouais. Mais c'est une bonne scène, que ce soit dans le roman et dans le film. Oui, c'est ça, elle est très bien adaptée. Tout à fait. Et ouais, ça montre à quel point le film repose sur ces deux interprètes, et particulièrement sur Kathy Bates. Ouais. Comme dit au début du podcast, sur la partie film, elle porte le film sur ses épaules. Ouais. Mais vraiment, quoi. Si ça aurait été une autre actrice, le film n'aurait pas eu autant d'impact. Ouais, ou alors peut-être, mais très différemment en tout cas. Ça aurait pas été du tout le même film, ça c'est évident. Nous allons commencer par le classement des livres. C'est moi qui m'y colle, tandis que mon camarade Issam s'occupera du classement des films. Alors, la liste des livres et nouvelles comprend maintenant 39 titres dans le classement de tête. Nous avons Sac d'os, Cimetière, Ça, Charlie et La part des ténèbres, tandis qu'en queue de peloton, nous avons Le dentier claqueur, La pastorale, L'année du loup-garou, Docteur Sleep et Grand chauffeur. Alors, Misery, c'est un top 10 déjà. Ouais, ça c'est sûr. Donc, je t'encourage, mon camarade, à regarder dans le top 10. Et c'est là qu'on hésite fortement. Ouais. Pour moi déjà, ce n'est pas un top 3. Non, et par contre, c'est au-dessus des Langoliers et de Crapules de bas étage, je pense. Oui, on est d'accord. C'est dans cette zone-là que c'est plus compliqué. En fait, ça se rapproche beaucoup de Cujo, pour le côté huis clos. Ouais. Huis clos, mais j'aurais peut-être une préférence pour Cujo. J'ai plus d'empathie, en fait, pour le personnage en lui-même de Cujo, qui du coup, lui, n'y est vraiment pour rien, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Lui devient vraiment une créature meurtrière, alors qu'en fait, au fond de lui, il ne le veut pas. Et du coup, ça rend le roman terrifiant, mais empli d'empathie pour lui. Et je trouve qu'en cela, Cujo est un roman qui est beaucoup plus fort au niveau des symboliques sur son antagoniste. Puis c'est vrai que la mère est attachante dans Cujo. Alors je compare avec Cujo, parce que pour moi, clairement, Dead Zone est supérieur à Misery. Ouais. Et que l'hésitation, vraiment là, l'hésitation est Dead Zone, il a l'énorme avantage de son personnage principal qui est vraiment excellent. Voilà. Aussi, ouais. Là, pour moi, l'interrogation pour moi, c'était 7e devant Cujo ou 8e derrière Cujo. Mais j'aurais plutôt une préférence pour Cujo finalement. Je t'avouerais que moi, j'aurais probablement mis devant Cujo, mais dans le fond, ça m'importe pas énormément. Ouais. Donc je peux te l'accorder, hein. 8e derrière Cujo. 8e derrière Cujo, ce qui est quand même une place très honorable. Oui, de toute façon, on le répète régulièrement, on est dans des très très bons romans. Je veux dire, quand on regarde, ne serait-ce que vers les 15e, 16e places, on est sur du Jesse, Carrie, donc voilà. Là, on est dans du très bon, encore ouais. Jusqu'à la 17e. Donc, Misery prend la 8e place entre Cujo et La Ligne Verte. Voilà. Et nous allons passer aux films. Alors, les films, nous en avons plus, puisqu'il y en a 50 de classés, autant que d'épisodes. C'est ça. Et nous avons aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Christine de John Carpenter. Et aux 5 dernières, Le Fléau de Mick Garris, The Mangler 2 de Michael Hamilton Wright, Les Enfants de Salem de Larry Cohen, qu'est-ce que c'était de la merde ça, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham. Ah, c'était encore pire. Ouais, et Dr. Slim de Mike Flanagan. Et là, je regarde un peu déjà de nouveau top 10, je pense que c'est sûr. Oui. C'est rigolo parce que c'est un peu avec le même que j'hésite. C'est avec Cujo, mais là je pense par contre que je vais être un peu plus insistant pour le mettre au-dessus. Ouais. Pour Kathy Bates. Ouais, pour Kathy Bates, ouais. Et à la limite, je comprendrais même de le mettre devant Christine, tu vois, pour Kathy Bates. Ah non, ça me va, hein. Ouais, devant Christine. Devant Christine, ça t'irait ? Devant Christine, ça me va aussi. Même, tu m'aurais même dit devant Dead Zone, ça m'aurait été. Dead Zone, j'aime vraiment bien aussi toute l'ambiance, toute la réale, donc j'aurais un peu plus de mal, mais devant Christine, ça me paraît... Misery, c'est vraiment un film que j'apprécie beaucoup, beaucoup, donc je suis d'accord. Pour Kathy Bates, James Caan joue quand même très bien. Il y a la photographie de Barry Sonnenfeld qui est très très chouette. Donc ouais, allez, cinquième place entre Dead Zone et Christine. Voilà. Profite, Rob. Ce sera pas la même limonade à ton autre film. Ah, tu dis ça comme si c'était un truc qui allait terminer en 51e place. Abusons pas non plus. Non, non, pas 51e. Non. 50e. Non, non, non, arrête, plaisante. Très bien, donc voilà, un roman et un film qui terminent très bien dans le classement, donc on vous conseille encore une fois. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour parler de la nouvelle Court, Jimmy Court, dans Danse Macabre et de son adaptation Vengeance Diabolique. Avec un titre qui n'a rien à voir, voilà, en vidéo. C'est ça. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter. @ cinéma archiviste pour toi. @ Chris-Lucis, Lost Tales. Ouais. Car ça y est, j'ai une nouvelle adresse Twitter. Enfin. Incroyable. Incroyable. N'hésitez pas à vous réabonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. Voilà. Apparemment, vous pouvez suivre un compte NFT sur l'ancien truc, c'est ça. Voilà, ouais, je l'ai signalé, donc peut-être que maintenant il a été fermé. Si vous êtes un NFT bro. Voilà. Un crypto bro. Si vous êtes un crypto bro, déjà vous n'avez rien à faire ici, merci de partir. On ne vous apprécie pas. Ah, oh, pardon. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Discord, le lien sera dans la description. Voilà. Là, c'est en bonne voie pour la reprise de notre podcast Comics, bande dessinée, manga avec un nouveau titre. Avec un nouveau titre, je pense qu'on peut l'annoncer tout de suite. Hein. Bon, oui, ça me semble convenir. Tu peux l'annoncer vu que c'est toi qui l'as trouvé. Donc ce sera la 9e dimension, normalement. Donc, hommage au fait que la bande dessinée, c'est le 9e art. Voilà, c'est ça. On espère que ça vous plaira, on espère faire quelque chose de bien. Et en attendant, n'oubliez pas que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Salut! Salut!